Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette nouvelle émission, nous avons le plaisir de recevoir Pierre Hillard. Pierre, bonjour à vous. Bonjour. Pierre, comment allez-vous ? Je tiens le coup encore. Les temps sont mûrs. Les temps sont mûrs, très mûrs. Alors Pierre, justement, vous avez publié récemment un très bel ouvrage, imposant, paru aux éditions Le Retour aux Sources et intitulé « L'Atlas du mondialisme ». Nous allons en parler tout de suite, chers auditeurs, mais avant, laissez-moi vous informer que je me trouve aux côtés de Xavier de la revue Faits et Documents. Xavier, bonjour à toi. Bonjour Vincent, bonjour Pierre, bonjour à tous. Salut Xavier. Pierre Hillard, pourquoi avoir écrit ce livre ? Parce qu'il n'a pas été fait. Parce que tout simplement, on n'a pas fait, du moins en langue française, de livre, un atlas sur le mondialisme. La mondialisation, oui, ça a été fait, ben, les échanges économiques en tout genre entre la Chine, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Europe, etc. Ça, il faut bien distinguer le mondialisme oui, de la mondialisation. Bien distinguer ces éléments. La mondialisation, échange normal de biens en tout genre. Et par exemple, pour illustrer un exemple concret, donc matériel de la mondialisation, vous avez un indice, le Baltic Dry Index, qui est chargé de mesurer donc les échanges entre pays et continents par bateau de tout ce qui est minerais, charbon et céréales. Et bah, par exemple, avant la crise de 2007-2008, l'indice donc qui permet de calculer les échanges et de mesurer en fait l'activité économique planétaire frôlait les 12 000 points. Je crois que le chiffre exact c'était 11 793, c'est tombé sous la barre des 1000 après la crise de 2007-2008 et je regardais ça tout à l'heure, je crois que ça tourne autour maintenant des 1100 ou 1200 points. Donc on voit quand même que l'activité commerciale donc de transport de céréales, minerais et charbon entre continents à autour de 1100-1200 donc l'indice Baltic Dry Index n'a pas retrouvé le niveau d'avant 2007-2008, donc on voit que il y a un coup dans la machine mondiale, économique. Il y a eu une récession depuis la crise des subprimes. Et on arrive, vous savez, c'est un peu comme la médecine aujourd'hui, on arrive à vous faire prolonger un mourant des années et des années. J'ai eu un cas dans ma famille, ça a duré 8 ans. Et donc, c'est pareil en matière économique, on arrive à jongler, mais on est sur Terre, et sur Terre, tout a une fin, donc à un moment donné, ça se casse la figure. Et là, on commence à se rapprocher doucement, enfin assez rapidement je trouve même, une situation où on est arrivé à la croisée des chemins. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai mis en épigraphe, les temps sont mûrs, parce que là, les choses vont s'éclaircir de plus en plus. Et en même temps, on a eu dernièrement l'élection d'Emmanuel Macron, qui en quelque sorte valide la confiance des gens dans le système encore. Vous le dites avec une innocence, Vincent, c'est vraiment, heureusement, je vous connais. Alors déjà, il y a une chose, c'est que j'ai mis dans l'Atlas du mondialisme toute la liste des Young Leaders de 1980 jusqu'en 2017. Il y a même, le fameux spationaute Thomas Pesquet. Pesquet, voilà. Et il y a, pour la promo 2012, les Young Leaders, Macron et Édouard Philippe. Donc, comme par hasard, on les retrouve quelques années plus tard à la tête du pays. Enfin, employés du pays, parce qu'évidemment, ce ne sont que des employés, comme tous les hommes politiques, que ce soit Merkel, Trump, Theresa May, etc. Simplement, ces personnes-là ne sont que les représentants d'une faction oligarchique de l'État profond. Et c'est ce que j'ai expliqué dans le livre, en particulier dans le chapitre 7, c'est que vous avez un État profond, mais avec des factions qui se tapent entre elles avec des visions différentes, des ambitions différentes. Par exemple, dans le cas américain, vous avez essentiellement deux factions. Une faction de mondialistes unilatéralistes, c'était les Bush, Obama, qui voulait une organisation planétaire sous l'égide anglo-saxonne avec la faction Rothschild en arrière-fond, parce qu'il ne faut jamais les oublier. Et vous avez une autre faction, avec toutes les nuances intermédiaires et la prudence aussi, Trump, qui est la faction plutôt planétarienne, qui souhaiterait, je ne dis pas qu'ils réussissent à le faire, hein, mais qui, quand on lit ses déclarations avant son arrivée à la Maison-Blanche, qui souhaiterait une organisation respectant les intérêts de chacun. Et en cela, lorsque Trump disait cela avant son arrivée à la Maison Blanche, il rejoignait les propos de Poutine, qui lui est soutenu par la faction Lubavitch, Béret-Lazare en particulier, et le fameux discours de Poutine de 2014 à Valdaï, où il dit qu'il faut une organisation d'un, comment dire, un nouvel ordre mondial, c'est l'expression qu'il utilise, politique, économique et juridique, avec une ONU modernisée, mais élément qui est bien précisé dans son discours, avec le respect des intérêts de chacun, des unions régionales, alors qu'il évoque, hein, des unions régionales où les intérêts de chacun sont respectés. Chose que les anglo-saxons, jusqu'à Obama, refusent. Et ensuite, maintenant avec Trump, on a des aspects où il y a une opposition effectivement franche à Poutine, mais aussi quelquefois des alliances ou des intérêts et des croisements. Bref, ils se tapent entre eux. Alors, sur la faction Lubavitch, déjà une précision. La faction Lubavitch est très présente aussi bien dans l'entourage de Vladimir Poutine que dans l'entourage de Donald Trump. Et oui. C'est sa particularité. Son gendre. Et qui représente dans l'évolution du judaïsme mondial une faillite relative du monde libéral, si on veut. Sont plus conservateurs, les Lubavitch, que... avec toutes les nuances et les intermédiaires, parce que les Lubavitch russes ne sont pas les mêmes que ceux aux États-Unis. Mais cela dit, Vladimir Poutine s'est appuyé, il semble, que Vladimir Poutine se soit appuyé sur eux pour précisément se débarrasser de certains oligarques, alors que occidentaux, enfin d'oligarques juifs russes, mais pro-Rothschild, en fait. Voilà, exactement. C'est une bagarre entre factions juives. Alors que Donald Trump, lui, a été fait par eux, notamment dans l'immobilier à New York. Schneerson. Son gendre. Schneerson, qui est le plus grand, je crois que c'est la plus grande fortune juive américaine, qui a financé à hauteur de 100 millions de dollars, un million de près, la campagne de Trump. Alors, pour revenir sur les factions du mondialisme qu'on a appelées souvent les néoconservateurs, on a pu observer que cette faction-là, très identifiée, qui après la chute du mur de Berlin s'est notamment appuyée sur le terrorisme, on l'a vu. Non mais on l'a vu dans les Balkans, avec la montée des Kosovars, ensuite on a vu la Tchétchénie, mais il y a aussi... La Géorgie, en 2008. Mais aussi, il ne faut pas oublier le Rwanda, et qui s'appuyait sur des opérations politico-médiatiques qui étaient toujours calquées sur le même schéma. Ça a fonctionné, ce schéma, y compris même l'Irak, l'Afghanistan, et ensuite la Libye, puis la Syrie, et on observe un vrai coup d'arrêt en août 2013, quand Barack Obama refuse de valider le plan Fabius d'invasion Fabius de la Syrie. Juppé, qui était ministre à un moment donné des Affaires étrangères quelques années auparavant et qui avait conclu avec Hillary Clinton, secrétaire d'État pour le premier mandat d'Obama, un plan pour tout ce qui est parcellisation du Moyen-Orient, plan qui a été publié dans le New York Times en octobre 2013 et qui est dans l'Atlas du mondialisme. Et on voit en particulier le fameux couloir kurde qui part du nord de l'Irak jusqu'au qui longe la frontière sud turque jusqu'à Afrin. Et ce plan-là, Obama, il a coincé. C'est-à-dire que le bloc oligarchique mondialiste, une faction derrière Obama, a dit halt à une autre faction qui, elle, voulait. Et là, on aurait tendance à voir... Et qui était la faction derrière Clinton. Et on voit à quel point le Brexit et l'élection de Trump sont un coup d'arrêt fondamental, mais y compris l'élection d'Emmanuel Macron. Je donne juste un élément, et après, je vous laisse commenter. Bernard Kouchner est revenu de Syrie pour présenter... sur le modèle habituel, un conseil représentatif des Kurdes de Syrie, avec le plan médiatique prévu d'habitude, avec la photo sur le perron de l'Élysée et la machine diplomatique qui se met en place. Et Emmanuel Macron, Le Figaro le rapporte cette semaine, Emmanuel Macron non seulement n'a pas répondu, mais ne l'a pas rappelé. Et donc, on voit que même Emmanuel Macron arrive à prendre des distances avec cette faction. On voit aussi dans les nominations dans les services secrets, dans les services de renseignement, on voit un certain nombre de nominations qui valident, et on voit aussi la chute de Netanyahou en ce moment. Donc on a très clairement une faction qu'on a appelée néoconservatrice du mondialisme qui s'effondre. Est-ce que vous rejoignez cette analyse? Alors en fait, ce sont des rivalités entre factions, et il y a des moments, il y en a une qui a le dessus sur l'autre, mais Alors, temporaire, c'est en fonction des intérêts du moment. En fait, souvent je compare le mondialisme à une pâte à modeler. Il y a différentes formes, on peut imprimer différentes formes, mais ça reste toujours la pâte à modeler et le côté radioactif de la chose. Là, pour le moment, on a une faction qui utilise l'employé Macron pour prendre telle direction. Et puis, dans 3 mois, 6 mois, 1 an, vous aurez des obligations, des intérêts autres qui vont surgir et qui vont l'obliger à aller à prendre une autre direction. C'est mouvant. En fait, ce sont des guerres d'oligarchie mondialiste entre elles, mais c'est toujours du mondialisme. Ce que je dis à un moment donné, pourquoi on est arrivé à la croisée des chemins ? Ou pour parachever cette fameuse tour de Babel, il faut une gouvernance mondiale. Je rappelle que l'ONU travaille à cela. Dans le cadre de l'APNU, l'Assemblée parlementaire des Nations Unies, ils ont un site internet, un archives officiel. Et dans cette affaire, les Allemands jouent un grand rôle, d'ailleurs, avec un comité pour une ONU démocratique dont le siège est à Berlin. Et celui qui s'occupe de ça, c'est un ancien homme politique allemand qui s'appelle Andreas Bummel, et qui a d'ailleurs produit un ouvrage bilingue, anglais-allemand, sur tous les documents en faveur de la gouvernance mondiale. Mais il y a des factions entre elles, des factions oligarchiques unilatéralistes, la branche Bush par exemple, d'autres qui voudraient certains membres de l'administration Trump avec toutes les nuances et les intermédiaires plutôt une vision planétarienne, ce serait plutôt la vision qu'aurait Poutine et qu'il a magistralement proposé en 2014 lors de son discours de Valdaï. Et vous avez donc des factions entre elles qui se tapent entre elles. C'est pas pour autant qu'il y a un gentil, un méchant. C'est choléra contre la peste. J'appelle cela l'enfer divisé contre lui-même. Et plus on se rapproche du sommet de l'enfer, plus c'est violent. Et de toute manière, ça se termine par un échec. Parce que moi, j'aurais envie de défendre Poutine. Tu as lu le fameux discours de Valdaï de 2014, que j'ai mis les principaux extraits. Il dit « Je veux une ONU modernisée ». L'ONU, c'est le temple du maçonnisme. Bon. « Je veux des unions régionales avec le respect des intérêts de chacun ». Et je veux un nouvel ordre mondial, c'est écrit en toutes lettres, politique, économique et juridique. Mais, dit-il, le problème, c'est que les gens en face, les Américains, ne veulent pas ce modèle, ils veulent le gâteau à eux. Voilà, c'est voilà. Non, mais sur le mondialisme et Poutine, rapidement, juste rappeler cette phrase sidérante d'Hubert Védrine, à la fin de sur France 2, à la fin de la diffusion du documentaire, Hubert Védrine, c'est un pion d'Attali. Hein. Qu'est-ce que dit Védrine ? Védrine dit, oui. Parce que Bernard Guetta et... Young Leader, lui aussi, la fondation franco-américaine. Il me semble que c'est Laurence Kaufmann du Monde. Donc là, pour le qui coup, la aussi, faction... Je crois, à vérifier, voilà, peut-être. La faction vraiment néoconservatrice, pour le coup, du mondialisme, qui attaque Védrine sur son soutien supposé à Poutine. Et lui dit, mais... On aurait pu avoir bien pire. Il a quand même accepté les négociations avec l'OMC. Exact, mais ça a mis 19 ans pour y arriver, pour aboutir. Donc ça monte, il y a du bois de bout. Mais il y a pour rejoindre un peu vos... Enfin, nourrir, c'est plus, si je puis dire, la conversation. Rappelez-vous, je rappelle d'abord qu'il y a des rivalités entre factions oligarchiques. Soit un mondialisme unilatéraliste, à la sauce anglo-saxonne, avec en fait la faction Rothschild, et une autre faction, la branche planétarienne défendue par Poutine, El-Lubavitch. Et en fait, c'est une guerre entre factions juives. Et vous avez eu en 2000, je crois que c'est 2014, à vérifier pour la date, ce fameux diplomate américain, qui est ambassadeur, je crois, en Pologne, en Corée du Sud, qui a participé aux accords de Dayton, enfin bref, il a un CV, c'est un haut gradé du système, qui a dit que Poutine avait trahi le nouvel ordre mondial. Et beaucoup ont cru que, je crois que c'est Christopher Hill, à vérifier, je crois, Hill, H-I-2-L, Christopher Hill. Et beaucoup ont dit, regardez, Poutine est donc un opposant au nouvel ordre mondial. Non, Poutine est un opposant au nouvel ordre mondial des Rothschild. Et ça, c'est là le reproche qu'on lui adresse à Poutine et à la sphère tout autour de lui, parce qu'il n'est pas seul. Et donc, Poutine, lui, il défend un autre type de nouvel ordre mondial, comme il le dit lui-même, planétarien, chose que les Rothschild ne veulent pas. Et planétarien, ça veut dire un monde multipolaire. C'est-à-dire multipolaire de respect des intérêts des blocs continentaux. Alors, Union européenne, mais la communauté économique eurasiatique qu'il a lancée, Poutine, l'Union africaine, l'UNASUR, etc. Moi, ma question, Pierre-Ella, c'est que ce que vous appelez faction oligarchique qui sera en opposition avec la faction juive américaine, est-ce que c'est pas tout simplement du réalisme en politique? Alors, j'aurais tendance à vous dire que Et que c'est votre vision qui serait irréaliste. Surtout pas ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que devrait faire un dirigeant pour ne pas être inclus dans votre raisonnement, dans votre... Alors, je vois très bien ce que... je dis aux auditeurs que Vincent sourit beaucoup en me regardant. Mais moi aussi, je souris parce que, en fait... Est-ce que vous avez un système de pensée ? Non, mon cher Vincent, en fait, ce que j'essaye, c'est de comprendre le raisonnement de ces personnes-là. C'est un peu comme si j'avais une étude à faire sur toi, parce qu'on se tutoie. Hein. c'est pas toi que j'étudierais. Pour comprendre ta tournure d'esprit, d'abord, j'étudierai tes parents, grands-parents, arrière-grands-parents, origine sociale, niveau d'études, tourne d'esprit, athée, pratiquant. Ça s'appelle fait et document. Non, mais pas forcément. Parce que si, et tu étudies mon passé. Et attention, ce que je dis pour toi, il va pour Xavier, pour moi. Mais c'est, non, mais Pierre, regarde, c'est très bien. Toi en particulier, au dernier chapitre. Et ce que j'essaie de faire, c'est d'étudier. Mais si, je vais citer un exemple. Quand Donald Trump a émergé, je connaissais de nom, mais très peu. Hein. Je me suis intéressé au personnage et à son enfance, d'où il venait, milieu socialisé, et sa religion. Il est, je vais peut-être choquer certains auditeurs, mais j'y vais, hein, franco, si je puis dire. Il est protestant, presbytérien. Obligatoirement, c'est l'esprit mondialiste. Pourquoi ? Parce que le protestantisme, c'est du christianisme judaïsé. Après, il y a tous les intermédiaires et les différences d'intensité du poison. Mais étant protestant, presbytérien en l'occurrence, c'est la sauce mondialiste. Tout de suite. Les trois grands R, réforme, renaissance et révolution 89, ça repose à l'origine sur une révolte, le protestantisme lié à la primauté de l'homme. Et ça a commencé comme ça. Trump obéit à ce principe, il est né dans ce milieu-là. Il aurait été d'esprit catholique classique, alors là, j'aurais été sans voix et j'aurais été incapable d'expliquer. Son bras droit, le vice-président Pence, je crois, son prénom, je ne sais plus Mike Pence, lui, c'est pire. Lui, c'est un catho-libéral, de famille catho-libérale, converti à la religion évangélique, c'est-à-dire un christianisme ultra judaïsé qui est favorable à la mise l'honneur d'Israël et en plus avec une idée de chaos, parce que le chaos chez eux, c'est le chaos qui précède l'arrivée du Messie pour les chrétiens évangélistes. Et d'ailleurs, ça s'appelle, le mot est un peu compliqué, le dispensationalisme. Bon, c'est le terme qui remonte au 19e siècle et on lit ça entre autres dans le bouquin de Mersheimer et de Walt sur voilà, ils expliquent ça très bien. D'ailleurs, j'ai repris les passages pour la classe du mondialisme tellement c'était écrasant. Donc, il faut comprendre ça. Et à partir du moment où on comprend ça, on comprend les implications, les conséquences matérielles. Et dans l'esprit du mondialisme, il y a cet élément clé qu'il faut comprendre. Ce sont les référents religieux. Ils veulent aboutir, certaines factions juives, pas toutes, à un grand Israël, avec une Jérusalem comme capitale, parachevant une unité mondiale retrouvée sous l'égide, d'un peuple juif, peuple prêtre, intermédiaire unique entre le Dieu unique, surtout pas trinitaire, et le reste de l'humanité non-juive encadrée par les lois noachides. Cette humanité non-juive étant considérée comme prosélyte de la porte au seuil d'un temple restauré. Et je rajoute une chose, Xavier et Vincent, ce mot noachisme, et il faut remonter très vite, rapidement, on va continuer, qu'on retrouve dans quoi ? Lorsque la maçonnerie a été officiellement créée en 1717 avec deux protestants, des Aguliers Anderson, c'était pas des cathotradis, hein, c'était des parpaillots, comme par hasard. Mais c'est logique, quand on est protestant, on est d'esprit franc-mac. Bon, eh bien, vous avez eu en 1723 les constitutions d'Anderson, et en 1738, ce qu'on ne sait pas, l'article 1, ça je l'ai mis dans le bouquin « Classe du mondialisme », l'article 1 des constitutions d'Anderson a été modifié pour introduire quoi ? Le mot « noachite ». Tout franc-maçon doit être noachite. Et donc, c'est cet esprit philosophique. Je rappelle que noachisme est issu du Talmud. Et pour cela, je vais quand même vous faire une petite citation. Page 191 du livre, je crois que c'est 191. au sujet de l'esprit juif en lien avec les non-juifs. Et je vais vous donner ensuite la référence, parce qu'il y a presque 600 notes de bas de page. Et celui qui dit ça, c'est le rabbin Abraham Cohen. Voilà, donc impur, comme on dit. Je le cite. Rien n'est plus naturel dans une littérature composée par des juifs pour des juifs que l'exceptionnelle prééminence donnée au peuple d'Israël. En effet, les habitants du monde peuvent être répartis entre Israël et les autres nations prises en bloc. Israël est le peuple élu. Dogme capital. C'est évidemment une doctrine biblique, mais les rabbins l'ont amplifiée à l'infini. Partout, le Talmud insiste expressément sur la parenté étroite et unique qui existe entre Dieu et son peuple. Et écoutez ceci, c'est toujours Rabbin Cohen qui parle. « La relation qui unit Israël à Dieu est si intime que la manière dont Israël est traité sur la terre a sa répercussion sur Dieu dans le ciel. » Abraham Cohen, le Talmud, édition Payot, 1991, page 147-148. Donc, pour vous montrer que c'est à partir de là où... C'est pas moi, Pierre Hillard, qui décide de casser ça. C'est eux qui disent « on est le centre ». Et nous, les Goyim, on gravite avec différentes factions. Mais il y a des factions qui gravitent mieux autour de cet axe avec les protestants. Alors, la branche Rothschild, en plus, côté anglo-américain, mais vous avez une branche Lubavitch, les mouvements hassidiques avec les nuances et les intermédiaires. Et ce sont des rivalités. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il n'y a pas à choisir entre quelqu'un de... Le bien, le mal, c'est choléra et peste. Mais vous oubliez une chose. Je vais vous dire une chose à tous les deux. Apprenez à faire le mal. Pas à boire 10 litres de bière. Ou à fumer comme un sapeur. Apprenez à faire le mal, avec des guillemets, parce qu'évidemment, j'ironise. Quand je dis apprenez à faire le mal, il vaut mieux, c'est le principe de festina lente, à toi lentement. Je comprends beaucoup mieux Poutine et la faction Lubavitch qui est derrière. Ils veulent un nouvel ordre mondial, mais ils veulent ne pas aller trop vite. Parce que créer des blocs continentaux, comme le dit, des unions régionales, comme dit Poutine, c'est pour aboutir à quoi ? Ben, on a déjà une petite idée, et c'est ce que je raconte à la fin, en conclusion, avec un institut planétaire, mondialiste, qui s'appelle CGLU, Cité Gouvernement Locaux Unis, qui a été créé en 2004 et qui est chargé de gérer à l'échelle planétaire les villes, grandes villes, pour tout ce qui est lutte contre la pollution, les travailleurs immigrés qui vont de pays en pays, enfin tous les cas de figure. À l'origine, cet institut créé en 2004, fondé officiellement en 2004 à Paris, et qui avait comme premier président un certain Bertrand Delanoë. Bertrand Delanoë, c'est ça? Oui. Ouais. À l'origine, la première fondation de cet institut remonte à 1913. IULA, le sigle en anglais, Union internationale des autorités locales. Le deuxième institut, 1957, FMCU, Fédération mondiale des cités unies. Son premier patron, c'était un prêtre qui a donné son nom à un alcool, uniquement bon pour ça, Kier, le chanoine Félix Kier. Et le troisième institut, 1982, c'est Métropolis. Et ces trois instituts se sont réunis pour créer CGLU, Cité Gouvernement Locaux Unis, dont un des membres, comité directeur de cet institut planétaire, s'appelle Anne Hidalgo. Petite histoire. À un moment donné, lui-même, je crois, Alain Juppé, qui a fait partie du mouvement. Et quand on regarde l'organisation planétaire, leur monde est divisé en sept section régionale. Donc ça se rapproche du projet Poutine. Mais la finalité après, ça sera quoi ? Ça sera ensuite de réunir ces sept régions en une région monde. Et comme disait une luciférienne dans les années 20, Alice Bailey, le monde doit être unifié dans ses régions avant d'être unifié en une seule entité. Et en fait, ce que veut Poutine, c'est ce passage-là. C'est-à-dire qu'il dit « on va trop vite ». Vous, en face, vous allez trop vite. En plus, se rattachent à cela des impératifs religieux où les Rothschild messianiques voudraient mettre leur messie tout de suite en place. Poutine et sa faction Lubavitch disent « pour plus tard ». Je rappelle, et après je vous cède la parole, il y a le fameux document que j'ai trouvé, que j'ai mis en note de bas de page, la fameuse prière que Poutine a prononcée au pied du mur des Lamentations, dans un livre russo-hébreu, où il appelait à la reconstruction du temple. J'ai mis les références, évidemment, pour que tout le monde puisse apprécier ce passage. Donc, selon toi, la faction Poutine et ceux qui sont derrière seraient même plus dangereuses que ceux qui y vont frontalement ? À t'entendre, c'est un peu ce qu'on comprend. J'ai de l'admiration pour Poutine. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais c'est une superbe intelligence, un esprit supérieur. Et il est beaucoup plus habile. Il ne veut pas aller trop vite. Il ne faut pas aller trop vite. Mais ce pas trop vite, Pierre... Vous avez vraiment du mal à le considérer comme un dirigeant national. Disons que... Il défend son bloc, même impérial à la limite. Mais il y a une chose qui est absolument anormale. Voyez-vous, Poutine va dire des choses tout à fait justes. Il va s'opposer à la décadence de l'Occident. Bah, évidemment, je vais être entièrement d'accord avec lui. Mais il faut être logique jusqu'au bout. Quand Poutine, il l'a fait plusieurs fois, et la dernière fois qu'il l'a fait, je crois, c'est janvier 2014, lors d'un sommet russo-Union européenne à Bruxelles, où il souhaitait une union, enfin rassembler en un seul bloc l'Union eurasienne avec l'Union européenne, comme il a dit, de Lisbonne à Vladivostok. C'est officiel, là, vraiment, je fais que... Bon. Mais à partir du moment où on crée une seule union, donc de Lisbonne à Vladivostok, on instaure automatiquement une libre circulation des biens, des personnes et des idées. Non, pas forcément. Ah bah, on peut vouloir une union politique sans forcément céder l'union du terrain politique, sur la souveraineté des nations. L'union politique passe obligatoirement par des unions... Une union stratégique, disons. Disons, des échanges d'idées. Je vais vous dire une chose. Là, il y a un saut qualitatif Vincent, je vais te dire, 1957, traité de Rome. D'accord ? CEE, Communauté économique européenne. On aurait dit... aux Français, aux Allemands, aux Italiens, enfin à l'Allemagne de l'Ouest, les Italiens, Belges, Luxembourgeois et Hollandais, 1957, où il y avait encore des États souverains, hein, en 1957, traité de Rome. On aurait dit à ces gens-là et aux dirigeants politiques, mais vous savez, en fait, c'est une étape. Sachez que dans quelques temps, on ne peut pas vous dire ça tout de suite, mais dans quelques temps, il n'y aura plus de lire, il n'y aura plus de francs, il n'y aura plus de marques, il y aura une monnaie. Et ça sera... réglé à Francfort. Et quand on ne tient pas la monnaie, vous savez, c'est Mayer Amschel Rothschild qui disait « c'est moi contre la monnaie et c'est moi qui dicterai les lois ». Mayer Amschel Rothschild, il connaissait son histoire. Donc, bien comprendre que l'Union européenne, qui est devenue l'Union européenne en 92, Maastricht, ça a été par étapes. On ne pouvait pas instaurer le principe supranational dès 1957 parce qu'il fallait habituer les esprits au même titre. Et il faut être là, psychologue. Vatican II, qui est 1789 dans l'Église, amorcé donc par Jean XXIII et ensuite continué avec Paul VI. On ne pouvait absolument pas mettre le pape François à la place, un homme style pape François, à la place de Jean XXIII. Il était trop progressiste. Il fallait donc infuser le poison avec Vatican II, que ça détériore, j'allais dire, les cervelles, et à un moment donné, on peut passer à une dose de poison supérieure. C'est apprendre à faire le mal. C'est le principe de la grenouille. Voilà, c'est progresser. Et pareil pour la CE, on passe une tête... Et là, Poutine, il est, vu que la création de la communauté économique eurasienne est relativement récente, eh bien, il dit, pas tout de suite, il faut, par étapes, qui, si la chose continue à son terme, continuera après sa mort. Mais le poison est injecté. Et après, c'est à des personnes. Je vais vous dire, le péché contre l'esprit, c'est donné à très peu de personnes. Savoir faire le mal et le graduer dans le temps. Mais alors, Pierre, oui. ce que tu appelles marche en avant vers le mondialisme, qui oui. aurait cette jambe qui serait constituée par Poutine, les BRICS, en quelque sorte, en ferait partie aussi, est-ce que ce n'est pas tout simplement la volonté de gouvernants qui arrivent au sommet du pouvoir dans une nation X ou Y et qui auraient besoin d'alliés, tout simplement, et qui donc formeraient des blocs, non pas pour construire le mondialisme, mais tout simplement pour résister à l'Empire américano-sioniste, donnons-lui le nom qu'on veut, mais qui se trouve confronté à cette puissance mondiale et qui doit forcément avoir des alliés, et que donc ce serait de la réelle politique. Vincent, je comprends ce que tu veux dire, mais tu regardes la pièce de théâtre. Poutine arrive au sommet du pouvoir 1999-2001. Oui. Mais il faut voir qui est derrière, qui soutient. Ce à quoi nous assistons, c'est une bagarre entre clans juif. Je ne sais plus quel journal israélien, si c'est Haaretz, Times of Israel, ou enfin le site internet, peu importe, qui parlait des juifs ukrainiens en guerre contre les juifs russes. Juifs ukrainiens soutenus par l'Occident. En fait, ce sont des bagarres entre clans. Et quand on parle de Poutine, il faut toujours associer le couple Berel-Lazar-Poutine. Enfin, quand je dis Berel-Lazar, le clan Loubavitch. Ce sont des guerres entre clans. Ensuite, que l'ami Poutine cherche des alliés, mais c'est normal, mais ce sont des alliés pour faire un contrepoids. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que finalement, il y a l'Union européenne, enfin à l'époque, la CE en 1957. On aurait dit en 1957 aux Français, arrivera un jour où il n'y aura plus de francs, mais une monnaie gérée à Francfort, sous-entendu les Allemands, parce que c'est eux qui gèrent tout ça. Et on aurait dit aux Français en 1957 que 80% des lois adoptées par le Parlement national, en fait, ne sont que des directives de Bruxelles et reprises par la France. Eh bien, à l'époque, les Français, 1957, n'auraient pas accepté. D'accord, mais avec le temps. Et Poutine, c'est pareil. Je reprends cet exemple de la France, qui est allée dans la direction qu'on sait, dans laquelle France, on se trouve Italie, actuellement. C'est comme si tu disais que De Gaulle faisait partie de ce plan et machiavéliquement avait prévu de résister mollement à ce projet et qu'en fait il en faisait partie et que c'est à cause de De Gaulle Vincent, peut-être a-t-il échoué dans sa résistance, mais est-ce que vraiment on peut dire qu'il en faisait partie? Alors là tu vas me surprendre, Jean-Pierre. Mais oui, je considère que De Gaulle est un être supérieur par son intelligence, sa culture. Pourquoi c'est un être supérieur par rapport à Sarkozy, à Macron, à Hollande? Parce que Charles de Gaulle, il avait reçu une éducation classique, vieille France. Et il connaissait les origines des mots, M-A-U-X, et leurs conséquences. Et qu'est-ce qu'il a? Et pourquoi je serais toujours anti-gaulliste? Parce que de Gaulle, en 1944, il a rétabli les principes révolutionnaires de 1789 qui sont d'inspiration juive. Quand Robespierre rend hommage à l'être suprême, en fait, l'être suprême, quand on lit Gershom Scholem, eh bien, c'est l'Ensof. Non, mais pour l'être suprême, il ne faut pas lire Gershom Scholem, il faut lire Jean-Jacques Rousseau. Robespierre était déiste. Mais il était déiste. Ah oui, mais en fait, c'est une inspiration. En fait, on est en train de jongler avec différents paramètres. De Gaulle, il a rétabli les principes de 89, en 44-45. Les principes de 89 sont directement issus de la pensée talmudique, mais les révolutionnaires, Robespierre, Saint-Just, Danton, Mirabeau... Ah non, mais là, tu les mets tous dans un même paquet. Mais il y a différents degrés dans le mal. Ils étaient tous imprégnés d'un esprit noachite. Et celui qui a parfaitement résumé la situation et qui a parfaitement compris que la révolution de 89 n'était pas une finalité, mais une étape, c'est le révolutionnaire Anarchasis Klotz, avec son livre « La République universelle », sorti en 1792, dont j'ai repris les passages clés. Et après tout, pour les auditeurs, il serait peut-être bon que je lise quelques extraits, parce que qu'est-ce qu'il dit Klotz? Je suis entièrement... Voyez-vous, c'est ça. Avant de citer Klotz, Anarchasis Klotz, lorsque j'ai lu la première fois le livre du rabbin Ben Amozeg, sur le titre « Israël et l'humanité », qui donc met en valeur le noachisme, pour faire en sorte que le catholicisme soit, il le cite lui-même, c'est le titre d'un de ses chapitres, « Le catholicisme d'Israël », avec l'organisation spirituelle et politique qui va avec. Il y a des moments où je riais en lisant son livre. Parce catholicisme que, au sens d'universalisme. Oui, mais catholicisme d'Israël, parce qu'il dit bien catholicisme à condition qu'on enlève la Sainte Trinité, que ça soit le Dieu unique et qu'on enlève le sacerdoce. Bah oui, en fait, c'est les principes de l'islam, hein, ça, il n'y a pas photo. Eh bien, je riais, parce que là, je vais parler crûment. En lisant Ben Amozeg, je me disais, espèce de salope, je suis entièrement d'accord avec toi. On veut détruire, il faut faire ça. Et je dis tout de suite aux auditeurs, j'ai fait une comparaison entre Ben Amozeg avec cette religion universelle pour les juifs, les non-juifs, pardon, les goyim, avec le noachisme, et le livre La République universelle de Klotz, sorti en 1792, Et ça convient parfaitement. En fait, la République, qu'est-ce qu'il dit Klotz ? Il dit que la Révolution française, c'est pas une finalité, mais c'est pas un État, mais une finalité vers une gouvernance mondiale. Il appelle ça République universelle. J'ai lu le livre d'origine scanné sur Gallica de Klotz, l'original de 1792, et j'ai bien fait. Parce que un jour, il y a une personne, lors d'une dédicace, qui avait le livre de Klotz, La République universelle. Et les passages que j'ai cités ne se retrouvent pas dans le livre produit, parce qu'il y a des passages, évidemment, très déplaisants. Et ces passages-là, évidemment, heureusement que j'ai eu l'original en main, parce que j'ai pu recopier. On vous écoute, Pierre. Alors, les passages clés, je cite Klotz, « Un corps ne se fait pas la guerre à lui-même, et le genre humain vivra en paix lorsqu'il ne formera qu'un seul corps, la nation unique. » Et dans le texte d'origine de 1792, « La nation unique » est écrite en lettres capitales. Alors, on voit l'anticatholicisme donc, de Klotz qui rend service à la synagogue. Il dit « Déjà, la plupart des hommes libres se refusent à courber la tête en villes esclaves dans un confessionnal. Or, sans la confession, point de communion. Il est oiseux d'entendre la messe lorsqu'on renonce à l'absolution du sacerdoce. C'est sur les débris de tous les trônes que nous bâtirons l'édifice de la République universelle. » Tant que la plupart des Français assisteront aux sorcelleries de la messe, tant qu'ils croiront que trois font un, ça c'est le refus de la Trinité qu'on retrouve dans le noachisme. Pour les juifs, c'est le Dieu unique. Pour l'islam aussi, d'ailleurs, il faut le rappeler. Et que la partie est plus grande que le tout et qu'un corps existe en plusieurs lieux à la fois et qu'un homme efface les péchés d'un homme, il sera difficile de les guérir de la duperie du fantôme royal. Donc on voit bien volonté de décatholisation dans l'esprit révolutionnaire. Et la forme... Pas toutes les factions. Pas toutes les factions sont allées aussi loin dans la déchristianisation. Non, c'est aussi ce qui a conduit les hébertistes à la guillotine. Mais pourquoi ? Parce que Klotz, c'était un de ceux qui voyaient le plus loin. Parce que vous avez... N'oubliez jamais que l'humanité se divise en trois blocs. La masse, peu importe l'origine sociale, et deux élites, une du bien et du mal, qui voient très clair. Et les révolutionnaires de 1789, beaucoup étaient, pardonnez-moi l'expression, des couillons, qui se sont fait avoir. Et d'ailleurs, beaucoup de francs-maçons révolutionnaires se sont fait buter par d'autres francs-maçons révolutionnaires. Il n'y a que quelques-uns qui ont pigé. Pigé, Klotz. Un autre qui a parfaitement pigé, Charles-Maurice de Talleyrand. Là, je connais bien le bonhomme. Lorsque Fouché, en 1815, disait qu'il fallait établir la République, Talleyrand, qui savait graduer le mal, le diable boiteux, disait « Non, non, Fouché, pas tout de suite. Vous allez trop vite. » Eh oui, vous allez trop vite parce que les esprits n'étaient pas encore assez mûrs pour un esprit républicain. Donc, il fallait une monarchie républicaine. Alors, je caricature, ça va être surtout avec Louis-Philippe. Déjà, ça a commencé avec Louis XVIII. Donc, la phrase de Talleyrand à Fouché, Fouché, pas tout de suite, vous allez trop vite. Savoir graduer le mal pour aboutir au mal. Je continue avec Klotz, où il parle d'un monde unifié. Alors, il parle, il utilise la formule Philadelphie. Guillotiné en 94 par Robespierre. Et oui, ils se sont tapés entre eux et l'enfer est divisé contre lui-même. C'est toujours la même histoire. Écoutez, la modernité. L'unité nationale et souveraine sera exprimée par un seul mot, Philadelphie. Toutes les villes et les cours disparaîtront à l'aspect imposant et consolant de Philadelphie. L'Europe et l'Afrique et l'Asie et l'Amérique se donneront la main dans la cité vaste et heureuse de Philadelphie. Donc il continue en disant qu'il il estime que pour lui, Paris sera la capitale de ce monde unifié. Et moi, j'ai ajouté, Jacques Attali, une préférence pour Jérusalem. Bon, ça, c'est... Et le passage qui a été, qu'on ne retrouve pas, m'a-t-on dit, j'ai pas pu le vérifier, mais la personne avait le livre en main et m'a dit, j'ai pas retrouvé le passage qui est cité dans l'original sur le site de Gallica. C'est le rôle des Juifs dans la Révolution française. Eh oui, c'est l'élément clé. Et je cite Klotz, donc dans l'original qu'on trouve sur le site Gallica. Je cite « Nous trouverons encore de puissants auxiliaires, de fervents apôtres dans les tribus judaïques qui regardent la France comme une seconde Palestine. » 1792, hein ? Nos concitoyens circoncis nous bénissent dans tous les synagogues de la captivité. Je ne fais que citer. Hein. Le juif avili dans le monde est devenu citoyen français, citoyen du monde par nos décrets philosophiques. Cette fraternisation alarme beaucoup les princes allemands. On est donc dans les années 1790. Il va y avoir les guerres de la Révolution contre le Saint-Empire romain germanique qui va être ensuite détruit par Napoléon Ier en 1806 ou 7. Bon. Donc, cette fraternisation alarme beaucoup les princes allemands, d'autant plus que, écoutez bien, La guerre ne serait ni commencée ni durée en Allemagne sans l'activité, l'intelligence, l'économie et le numéraire des Juifs. C'est Klotz, hein, le révolutionnaire. Les magasins, les munitions de toute espèce sont fournis par les capitalistes hébreux. Et tous les agents subalternes de l'approvisionnement militaire sont de la même nation. Il ne faudra que s'entendre avec nos frères les rabbins pour produire les effets étonnants, miraculeux. J'ai reçu à cet égard des réponses infiniment satisfaisantes de mes commettants du Nord, etc. etc. Donc on Pierre, voit... c'est Louis XVI qui a déclaré la guerre à l'Autriche, à la Prusse. Et il voulait la guerre et la reine de France. Louis XVI, on est dans la bascule d'un Louis XVI qui a payé très cher les égarements de ses supérieurs, si je puis dire, Louis XV et Louis XIV. Et effectivement, avec la révolution de 1789, c'est une chute, un déraillement. Et là, évidemment, pour que la monarchie française se soit écroulée, il a fallu que Louis XVI commette des bêtises. Et malheureusement, elles ont été faites. Mais vous savez, et pourquoi vous n'incluez pas Louis XVI dans ce plan? Mais Vincent, alors, oui. Vous avez lu mon livre. Tu as lu mon livre. Ah, oui, oui. Tu as lu mon livre. Et qu'est-ce que j'apporte comme information clé sur Louis XVI que j'aurais aimé ne. Enfin, je... En fait, mon objectif, c'est de toujours restituer les choses que j'aime ou que je n'aime pas. J'aime Louis XVI. J'ai participé le 21 janvier 1993 au bicentenaire de sa mort pour défendre sa mémoire. Et quand je dis défendre sa mémoire, c'était faire les choses que les autres ne voulaient pas faire. C'était faire partie du comité et mettre des papiers de pub dans les enveloppes pour encourager les gens à venir place à la Concorde en 93. Bon. Mais malheureusement, Louis XVI avait un esprit contaminé par l'esprit mondialiste. Et il y a quand même une information clé qui devrait vous faire bondir, enfin, que devriez même me dire, c'est qu'il y a eu des travaux faits sur Louis XVI de qualité, Paul et Pierrette Giraud de Coursac, qui ont vraiment étudié l'enfance de Louis XVI, mais vraiment lu ses devoirs d'école, enfin, français, géographie, et qui montrent bien que c'était un homme intelligent et cultivé. Mais personne ne le nie. Hein. Mais il y a aussi des connards qui le disent. Mais ce n'est pas ça, parce qu'il y a, les connaissances, il y a la tournure d'esprit. Et la tournure d'esprit de Louis XVI, il a déconné au point de terminer le 21 janvier 1793 sur l'échafaud. Qu'est-ce qui a fait qu'il a déconné? Et il y a une chose, c'est qu'il y a une marque libérale. Déjà, quand on voit le testament de Louis XVI, qui est extraordinaire, oui, très beau. D'élévation, mais qui a ce reste de marque libérale, quand il dit « si mon fils avait le malheur de régner », mais on a envie de dire « mais c'est la condamnation du système monarchique, né avec Clovis ». Il n'aurait pas dû écrire ça. On sent la marque. Mais pour comprendre les origines, et on revient à ce que je te disais tout à l'heure, je fais une étude sur Vincent Lapierre, c'est pas toi que j'étudie, mais si au dernier chapitre, je vois tes parents, grands-parents et arrière-grands-parents. La mère de Louis XVI, Marie-Joseph de Saxe, fille de Gustave, je ne sais plus combien, de Pologne. Auguste de Pologne, pas Gustave, Auguste III de Pologne, je crois. Eh bien, a été le parrain de qui ? D'un événement majeur au XVIIIe siècle. Auguste III de Pologne a été le parrain de Jacob Frank. Et les franquistes, ces juifs faussement convertis au catholicisme, ont été pour la plupart anoblis et se sont retrouvés à la cour de Pologne. Donc la petite Marie-Joseph de Saxe, avec l'esprit des Lumières, a été imprégnée d'une tourne d'esprit mêlant à la fois christianisme et ce côté corrompu du franquisme, d'un christianisme judaïsé. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on voit ensuite Louis XVI bien mettre à l'honneur les protestants et aussi reconnaître le droit de enfin citoyenneté aux juifs de France par l'intermédiaire de c'est Robespierre qui l'a demandé d'ailleurs. Ah, c'est Adrien Duport qui est à l'origine de tout ça. Donc bien comprendre c'est quelque chose d'absolument fascinant dans votre ouvrage, dans ton ouvrage, on va arrêter de se vouvoyer faussement. Oui. C'est qu'on a à travers l'histoire de l'humanité cette permanence et cette influence juive sur tous les événements majeurs de l'histoire. Directement ou indirectement. Alors jusqu'à Hitler. Hitler lui-même est un golem franquiste. Alors, il y a une chose que je vais citer. Il y a, je le dis aux auditeurs, un document, je dis bien extraordinaire, que j'ai pu obtenir. J'ai mis évidemment les références, parce que c'est un document qui est une véritable bombe, qui vient d'un centre d'études juives américain, Cincinnati, je crois, L'auteur s'appelle Benzion Warholder, qui est un professeur donc spécialiste du monde juif. Et j'ai mis toutes les références. C'est un institut juif Cincinnati. J'ai mis toutes les références. Et ce Benzion Warholder, je crois que le document il est sorti en 1982. Alors j'ai mis les références, volume 53, page 265. Enfin, j'ai mis tous les. On peut retrouver la source qui est en anglais. Lui et son équipe, ils ont retrouvé un document magistral, 4 feuillets, écrit de la main de Jacob Frank et de 3 de ses disciples. Et les noms sont cités. J'ai le document, hein, l'original, écrit en hébreu par Jacob Frank et ses 3 disciples. Et Benzion Warholder explique, d'abord traduit en anglais les propos de ces 3 feuillets, et puis il explique avec des commentaires. Et il m'était impossible de mettre le document qui fait, je ne sais plus, 25 ou 30 pages. Mais Benzion Warholder, donc dans ce document qui est publié dans un institut spécialisé américain, a présenté un résumé du corpus franquiste qui a empoisonné l'humanité depuis 2 siècles. En sachant derrière, il y avait Sabbataïsvi un siècle auparavant, et un siècle avant, Isaac Luria, et on commence dès l'an 30 et quelques, ou 50, après Jésus-Christ, avec Simon le magicien. Dès le début, ça déconne. Hein. Bon, enfin, pour le clan catholique, j'entends. Écoutez le résumé de la pensée franquiste, et c'est un document extraordinaire, j'étais fou de joie quand je l'ai eu. Là, je cite donc Benzion Warholder, qui résume en 4 points, la pensée franquiste. Je le cite. Premier point. Frank prédit le massacre imminent des Juifs au sein de toutes les grandes et petites nations d'Europe dans le cas de l'Apocalypse. Je reprends. Frank prédit le massacre imminent des Juifs au sein de toutes les grandes et petites nations d'Europe dans le cas de l'Apocalypse. Car dans l'esprit de Frank, de Jacob Frank, il fallait. J'ai repris les passages clé dans le fameux livre d'Alexandre Krauss-Haar, que j'ai eu la chance d'avoir avant sa parution en français, l'original, livre de 1895, où Jacob Frank dit qu'il faut supprimer les Juifs. Il faut les supprimer. Des formules d'une violence inouïe. Hein. C'est simple, la première fois que j'ai lu ça, je me disais, mais ça ressemble à Hitler. Hitler, vous reprenez les phrases, vous mettez non pas Jacob Frank, mais Hitler, vous avez... Bon. Deuxième point. Toujours Benzion Warholder qui dit, en résumant la pensée franquiste, « Le salut des Juifs dépend de leur acceptation de la foi d'Edom, c'est-à-dire Rome, c'est-à-dire de se convertir au catholicisme, à un faux catholicisme, à un catholicisme judaïsé. » Troisième point, je cite toujours, « Jacob Frank est la réincarnation du patriarche Jacob. » Et là aussi, c'est un élément clé qu'il faut comprendre, le principe du Gilgoul, la métempsychose. C'est-à-dire que dans l'esprit de ces gens-là, il faut vraiment s'accrocher pour comprendre leur mentalité, il y a un messianisme qui passe d'un corps à un autre. Et c'était le cas, par exemple, de Sabbataïsvi. Et selon eux, la messianique de Sabbataï passe au suivant, qui est Jacob Frank. Et il y avait aussi un autre qui s'appelait... Baruchia, son nom est composé, qui aussi était une incarnation. Et ce principe de l'incarnation, de cet idéal, doit se poursuivre jusqu'à la fin des temps. Et c'est pourquoi, et dans cette histoire, les goyes ne sont que des outils pour aboutir. Alors, il faut des goyes à l'esprit judaïsé, évidemment. Et c'est pourquoi, lorsque De Gaulle rétablit les principes de 89 en 44-45, il rend service parce qu'il remet le substrat idéologique de 89, qui avait été supprimé par l'homme Philippe Pétain, que je défendrai toujours. Après qu'il y ait autour de lui des collabos, malheureusement, il y en a eu, mais il y a eu aussi des serviteurs du maréchal Pétain qui ont limité la casse. Et croyez-moi, il valait mieux avoir le maréchal Pétain en 44, de 40 à 44 que ce que les Polonais ont connu en 39 jusqu'en 45. Là, ils ont morflé les Polaques jusqu'au bout. D'ailleurs, petite parenthèse, Hitler, dans son testament, réhabilite Pétain puisqu'il dit « Les Français n'ont fait qu'une chose, c'est de résister Je crois, j'ai un souvenir de lecture ancienne, que Hitler aurait dit, je dis ça avec prudence en parlant de Pétain, « Der alte Fuchs, le vieux renard ». Oui, voilà. Voilà, mais je l'ai pas mis. Si, il est réédité chez les éditions Contre-Coup. Ah bon, c'est ça qu'il a dit ça ? Oui, bien sûr. Il ne dit pas le vieux renard, mais il dit en moi, gros... J'ai lu ça il y a des années. Oui, hein, oui. C'est un souvenir. Mais quand je n'ai plus le souvenir de la référence, je le dis avec prudence. Toujours mon obsession de la preuve. Ah oui, oui, tu es un homme de notes de bas de page. Oui, ben oui, oui, ben, il y en a presque 600, mais c'est pour faire ton bonheur. Pareil pour toi, Xavier. Alors, ça, ce sont les deux premiers points. Le troisième point cité, qui résume la pensée franquiste citée par Benjamin Warholder. Donc, j'ai dit, donc, Jacob Frank est la réincarnation du patriarche Jacob, principe de la métempsychose, qu'on retrouve, par exemple, lorsqu'on s'intéresse aux cathares, aux albigeois, toujours le principe de la métempsychose. Il y avait le dieu bon, le dieu mauvais, etc. Comme par hasard, c'est très intéressant de savoir que dans le sud de la France, il y a eu à un moment donné la présence de la Kabbale. La Kabbale qui est donc l'interprétation mystique du génie salmudique. Très intéressant de voir que cathares et albigeois ont prospéré sur un seul kabbaliste. La présence, la Kabbale au sud de la France et la Catalogne. Là aussi, la Catalogne a été touchée par ces milieux-là. Bon. Et le quatrième point de Benjamin Warholder, qui résume la pensée, c'est Jacob Frank dirigera la rédemption d'Israël en soumettant le monde, y compris l'Église catholique. Eh bien, c'est ce qu'on voit avec Vatican II, où j'ai ce document unique, j'ai mis l'original, de la revue Look de janvier 66, tirant à plus de 7 millions d'exemplaires et revue tout à fait acquise au principe moderne, entre guillemets, c'est comment les Juifs ont changé la manière de penser catholique et... Oui, c'est intéressant. C'est How the Jew Changed Catholic Thinking, et entre autres, j'ai mis tout l'original en anglais. Alors, ensuite, j'ai expliqué en français la fameuse photo de 63 du cardinal Béat, qui donc menait le bal, si je puis dire, et qui est à New York avec le rabbin Heschel. Et à l'époque, c'était une rencontre secrète pour finaliser Vatican II. Donc, 1789 et Vatican II vont de pair. Bien comprendre l'élément clé qu'il faut comprendre, il faut toujours aller au cœur. La finalité du projet, c'est quoi ? Très bonne question. La finalité du projet, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, peuple juif, peuple prêtre, intermédiaire unique entre le Dieu unique et le reste de l'humanité non-juive, loi Noachide et compagnie. Pour s'opposer à quoi ? À un principe catholique avec ses conséquences spirituelles et politiques, qui est la seule religion à instaurer le modèle de l'intermédiaire. Dans le domaine spirituel, le prêtre est l'intermédiaire. Il pardonne les péchés et il transforme le pain et le vin en corps et sang du Christ. Ce n'est pas lui l'homme qui le fait. Il n'est qu'un outil, d'ailleurs l'expression utilisée, c'est transparent du Christ. C'est-à-dire que l'homme peut être humainement très bien, il peut être humainement affreux, mais sa fonction de prêtre, elle est parfaite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interférence entre l'humain et la fonction due à son ordination, passage de séminariste à prêtre. Et le pape est le vicaire du Christ, l'intermédiaire. Hein, ce que tu auras lié au ciel sera lié sur terre, etc. C'est la formule du Christ. Et ce qui est vrai dans le domaine spirituel est vrai aussi dans le domaine politique. Et c'est ça qu'il faut toujours comprendre, c'est que le catholicisme a une conséquence politique qui a commencé dans le cas de la France, et c'était similaire aux pays européens catholiques, avec le roi de France qui est le lieutenant du Christ. C'est-à-dire que vous avez l'homme, plus ou moins bien, Louis XV et François Ier, mais la fonction royale avec le sacerdoce, le couronnement, être loin à Reims, faisait que c'était le lieutenant du Christ. C'est-à-dire que le Christ, en fait, est le roi de France. Et c'est ce que rappelle Sainte Jeanne d'Arc. Lorsqu'on dit Sainte Jeanne d'Arc, c'est foutre à la porte des Anglais, ça, d'accord. Mais entre guillemets, je dis bien entre guillemets, c'est secondaire. Ce qu'elle rappelle, en fait, c'est l'élément premier, c'est le fameux acte notarié de juin 1429 à Saint-Benoît-sur-Loire, où elle dit... Gentil dauphin, s'adresse au futur Charles VII, donne-moi ton royaume. Le dauphin, il est oui, je donne le royaume à Jeanne. Et Jeanne qui dit, tu es le plus pauvre chevalier en ce royaume. Et elle continue, elle dit, je donne le royaume à Jésus. Et elle continue, et moi, Jésus, je rends le royaume à Charles. C'est la fameuse triple donation. Qui a été... Alors, le document, on ne sait pas ce qu'il est devenu, parce que c'était un acte notarié. En revanche, on sait que la chose est tout à fait officielle, puisque vous avez quand même, à cette époque, on est en juin 1429, un personnage qui était quand même très intéressé par l'événement, c'est le pape de l'époque, qui s'appelait, je crois, Martin V. Et il y a eu un document qui s'appelle le Brevarium Historia, je prononce mal, qui est aux archives du Vatican et qui, lui, est toujours intact et qui relate cet événement. Il a servi, d'ailleurs, ce document à la béatification et la canonisation de Sainte-Jeanne d'Arc. On a la certitude historique. Et donc, Sainte-Jeanne d'Arc rappelle l'importance du baptême de Clovis avec l'évêque Saint-Rémy, qui a lancé sa boutique, hein, qui a créé une entreprise. Je caricature exprès pour marquer les esprits. Que vous avez un intermédiaire, le roi de France, humainement, est plus ou moins à la hauteur, la fonction royale est parfaite, et le roi de France est l'intermédiaire entre le ciel et la terre. C'est-à-dire qu'il doit créer les conditions politiques pour permettre à ses sujets de gagner le ciel. En gros, voilà. Et ces deux éléments, spirituels avec le prêtre jusqu'au pape et le roi de France, en tant que fine de l'Église, c'était l'élément premier à faire disparaître. Et ça a été 1789, et après avoir réussi à détruire l'intermédiaire politique, il fallait avoir la peau de l'Église avec Vatican II. Et c'est pas pour rien que vous avez des religieux à l'époque, Vatican II, qui ont dit que Vatican II, c'est 1789 dans l'Église. Ou un autre qui a dit que l'Église avait fait sa révolution d'octobre. Il faut couper ces intermédiaires, désacraliser et remettre un autre intermédiaire, qui est le peuple juif, peuple prêtre, intermédiaire unique entre le Dieu unique et la race humanité non juive, spirituelle et temporelle. Quand vous avez compris tout ça, tout le reste gravite, plus ou moins vite, plus ou moins habilement, avec des moments d'échec. Un exemple, le marché transatlantique devait voir le jour en 2015. Dans les papiers officiels, 2015, on est début 2018. D'accord, il y a le CETA pour le Canada, mais ça coince parce que, en fait, ces oligarchies américaines, françaises, allemandes, russes, etc., se tapent entre elles dans le partage du gâteau pour la finalité du projet mondialiste. Dans ce projet, est-ce qu'ils ont une faiblesse? Dans ce projet que tu viens de décrire très bien. Alors, oui, et ouf, parce qu'on a affaire, je disais par exemple que le marché transatlantique devait voir le jour en 2015, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. On est sur Terre et il y a des contingences matérielles, il y a des rivalités, et ça freine, ça coince, et heureusement que nos adversaires ne sont pas, non pas la toute-puissance, parce qu'à ce moment-là, on arrête tout, ils ont gagné, et ils vont pas gagner, parce qu'ils se tire dans les pattes, il y a des rivalités, et le fait qu'il y ait des rivalités, il peut avoir toujours le petit caillou qui bloque la superbe machine annoncée depuis des générations et des générations. Donc, il faut d'abord connaître leur mentalité, connaître la finalité du projet, et chacun à son poste, avec ses connaissances, ses activités, réussir à flanquer le petit grain de sable qui peut verrouiller. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la providence. Il ne s'agit pas de tomber dans une religiosité béate. Mais se dire qu'il y a un fond satanique dans cette histoire. Voyez-vous, la finalité du projet, c'est un monde unifié avec des blocs et une gouvernance mondiale, etc. Non, plus de blocs. Un monde unifié. Oui, mais avec un intermédiaire bloc, puis ensuite la finalité de la finalité, c'est de fondre ces blocs-là pour créer une humanité indifférenciée, d'où les fameux travaux, par exemple, de Richard de Coudenhove-Kalergi, avec son Praktischer Idealismus, sorti en 1925, qui est imprégné... Ah oui, je pense qu'une lecture s'impose. Ah, mais je sais, Xavier qui pousse... Arrête de m'embêter. Pousse au crime. Tu m'embêtes. Bon, à cause de toi, je suis obligé de lire. Non, parce que c'est ce qu'on vit actuellement pour l'instant. Enfin, ah bon? C'est vraiment une réalisation concrète. Ah bon? Alors, je rappelle, puisque Xavier me pousse à cela, que... Richard Coudenhove-Kalergi, pour vous situer dans le temps, 1894-1972, patron de la Pan-Europe, Pan-Europe qui a été des années 20 financée par les Warburg, Max Warburg. Je rappelle que la Pan-Europe a joué un très grand rôle dans la production de documents européens comme la Charte des langues régionales et la Convention 4 pour la protection des minorités. Je rappelle que le patron de la Pan-Europe dans les années 30, dans les années 60, la Pan-Europe France dans les années 60 s'appelait, le trésorier s'appelait Georges Pompidou, ancien de la banque Rothschild, et que lorsque Coudenhove meurt et est remplacé par Otto de Habsbourg, celui qui présente Otto de Habsbourg, c'est toujours le même Georges Pompidou. Donc l'importance de ce personnage. Et Richard Coudenhove-Kalergi était imprégné de gnose. Gnose veut dire connaissance. Bon, vous achetez le livre et vous aurez toutes les explications. Et comment il s'appelle ? Richard Coudenhove-Kalergi a écrit un bouquin, Praktischer Idealismus, sorti en 1925, qui est, si je puis dire, extraordinaire, parce que dans son esprit, il faut donc favoriser une humanité unie, mais métissée. Et alors, il parle du mélange des peuples, etc. Et il dit ceci, « La race du futur négroïdo-eurasienne, d'apparence semblable à celle de l'Égypte ancienne, remplacera la multiplicité des peuples par une multiplicité de personnalités. » Et je continue, il dit à un moment donné, cette phrase extraordinaire, nous sommes en 1925, « Dans une Europe orientalisée, l'aristocrate du futur ressemblera davantage à un brahmane et à un mandarin qu'à un chevalier. » Et il ajoute, « L'humain noble du futur. » Parce qu'il précision. Il dit à un moment donné, on est en 1925, que l'époque qu'il connaît, c'est une époque Klägliche Zwischenzeit, un intermède misérable entre la révolution de 1789 et le moment de la Renaissance. C'est-à-dire que pour lui, il y a une chute et que la démocratie doit disparaître. Très intéressant. La démocratie doit disparaître pour aboutir à un idéal d'une nouvelle noblesse mélangeant l'esprit de l'aristocrate Juncker avec l'esprit juif. Et d'ailleurs, je vais reprendre, il cite Lénine et Trotsky. Il dit ceci, c'est ici que grandit au rang de symbole la communauté entre Lénine, l'homme de la petite noblesse rurale, et Trotsky, le lettré juif. Ici se réconcilie l'opposition entre le caractère et l'esprit, le Juncker, l'aristocrate prussien, et le lettré, les humains rustiques et les humains urbains, les païens, les chrétiens, en une synthèse créatrice de l'aristocratie révolutionnaire. Donc dans leur esprit, à ces gens-là, à Koudanov entre autres, il faut créer une nouvelle élite, mais un esprit... judéo-chrétien. Et d'ailleurs, Koudanov... Judéo-chrétien. Judéo-chrétien, un mélange de christianisme et de judaïsme, de catholicisme d'Israël. Et d'ailleurs, la formule qu'utilise Koudanov pour parler du christianisme, selon sa sauce à lui, il dit qu'en fait, le christianisme est issu du judaïsme, et l'expression qu'il cite, c'est le christianisme est un judaïsme régénéré. Et ça, c'est la gnose à plein nez. Alors qu'en fait, le judaïsme, il est mort avec le Christ qui a accompli la loi et qui a introduit un concept nouveau qui est la Sainte Trinité, chose rejetée absolument par les juifs talmudiques, le principe du Christ, fils de Dieu incarné, le principe de l'incarnation. Et donc, et c'est ça qu'ils veulent détruire. Et donc, Koudanov, lui, veut remettre à l'honneur le judaïsme pur et dur, mais sans l'aspect chrétien au sens, tel qu'il a été mis en place depuis 2000 ans. Voilà. Il faut comprendre ça, parce qu'il y a des implications politiques. Et ces implications politiques, outre l'aspect spirituel... Il veut corrompre le christianisme de l'intérieur. Est-ce oui, que j'ai bien compris? Mais oui, c'est une corruption. Mais c'est ce que dit Jacob Frank. En fait, Koudanov est dans la continuité, c'est un agent du franquisme, agent conscient ou inconscient, peu importe. Et en plus de ce changement de mentalité, il faut donc des structures politiques, et vous avez les fameux DTS, les droits de tirage spéciaux, qui est une sorte de substrat permettant la mise en place d'une monnaie mondiale, et vous avez cinq monnaies qui rentrent dans ce panier, dollars, livres sterling, euro, yen, et la dernière monnaie qui est intégrée en octobre 2016, le yuan, et ces cinq monnaies doivent être le tremplin vers une nouvelle monnaie. Alors, et c'est pourquoi je dis que les temps sont mûrs, vous avez la revue Economist qui en 1988, je dis bien 88, j'en parle dans le bouquin, annonçait une monnaie mondiale pour 2018 avec la couverture du Phénix, où vous avez des dollars, des yens et des marques qui brûlent et des cendres et des flammes, naissent une nouvelle monnaie, Phénix, qu'ils annoncent pour 2018 pour établir donc une sorte de gouvernance mondiale. Alors, je précise une chose, vu que, par exemple, pour le marché transatlantique, c'était prévu pour 2015, il y a un décalage, il est tout à fait possible que là aussi, il y a un décalage. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là nous balancent des documents, des preuves, des informations de première main pour nous annoncer comment on va s'y prendre pour vous casser la gueule, pour imposer nos vues. Et il faut impérativement connaître ces documents, connaître l'esprit qui est derrière, et chacun à son niveau faire son mieux pour bloquer. Et puis, aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà, c'est... Voilà. Par contre, sur la démocratie, Koudanov a tort, puisque tu disais tout à l'heure qu'il voulait détruire la démocratie, enfin qu'il prévoyait la destruction de la démocratie. Oui. Or, rien ne sert mieux les intérêts dont nous parlons que la démocratie. Oui, c'est une étape pour désordre, pour un rappel à l'ordre ensuite. Oui, c'est un rebond. Il dit qu'en fait, c'est une étape, un passage nécessaire. Non, mais c'est vrai, parce que en fait, j'ai résumé à max, si je puis dire. Il dit qu'en fait, c'est une chute, mais qu'elle est nécessaire, cette chute, que cette démocratie va permettre quand même de rebondir. Et d'ailleurs, il dit à un moment donné, donc toujours en 1925, il parle des Juifs en disant qu'on les trouve des deux côtés, côté Union soviétique et comme côté du monde occidental, capitalisme. Mais que, bon, bah, avec ces oppositions, on va pouvoir rebondir une étape supérieure. Mais là aussi, il faut comprendre, étaler sur des dizaines et des dizaines d'années. L'Atlas du mondialisme aux éditions Le Retour aux Sources, 45 € pour 312 pages, disponible dans toutes les bonnes librairies, dont contreculture.com, il me semble. Non, c'est épuisé. C'est épuisé. C'est épuisé. Bah, qui se dépêche ? Un best-seller. Pierre, merci beaucoup d'être passé nous voir. C'est moi qui vous remercie tous les deux. C'est toujours un plaisir. Je me suis forcé pour venir. Oh. Alors, est-ce que vous avez un livre ? Est-ce que tu as un livre en préparation ? Oui. Parle-nous-en. Non, non parce que non, mais parce que j'ai le document. Enfin, ce sont des livres. Enfin, c'est le même auteur, c'est le même ouvrage, mais c'est, attendez que je dise pas de bêtises, c'est 2000 pages à lire. J'en ai lu 150, je crois. Ça n'a jamais été traduit en français. C'est en hébreu. Non. Bah, il y a deux langues que je me débrouille, c'est l'anglais et l'allemand. D'accord. Mais okay. Là, c'est en anglais. Utile l'hébreu d'ailleurs dans tes recherches peut-être. Ah oui, oui, oui. Comment on fait pour étudier ces textes ? Disons qu'il est bon d'avoir quelquefois des connaissances de ces relations, avec un bon hébraïsant qui va... Qu'un d'ailleurs, pour la petite histoire, je crois à vérifier que sur la poitrine de Dark Vador, vous avez le mot golem écrit à l'envers. C'est vrai, oui, j'ai lu des choses comme ça. Oui, ouais, c'est toujours des bonnes blagues. Bon. Et donc, oui, D'ailleurs, lui-même, ça, la forme de son casque et accoutrement... Son accoutrement, en fait, vient d'une statue qui a été faite au 19e siècle par un sculpteur tchèque qui s'appelait Ladislas Saloun et qui a fait comme par hasard, en fait, je dis par hasard, mais c'est pas du tout hasard, c'est l'ironie, qui a fait aussi la statue du rabbin Leuv, 16e siècle, qui est à l'origine de la création du golem, qui est un amas de terre, d'argile, à qui on insuffle, c'est le transhumanisme, hein, c'est l'ancêtre du transhumanisme, hein, et donc qui insuffle une vie et qui crée le golem. Et donc ce sculpteur, il a fait la statue du rabbin Leuv à l'origine de la création du golem, il a fait alors une statue qui est l'Iron Man, hein, qui ne s'appelle pas Dark Vador, mais qui ressemble comme deux gouttes d'eau au Dark Vador qu'on voit dans les films de Lucas. Et il a fait aussi la statue d'un hérétique, parce qu'il faut utiliser les mots, qui est Jean Hus, comme par hasard. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est pas l'Adissa Saloun, mais c'est qui a payé pour qu'il fasse ça. Parce que qui paye commande. Et ça, j'ai pas encore reçu, parce que je suis sûr que c'est encore un bon cadre tradit qui a demandé... de faire ces sculptures-là. Je plaisante, évidemment, quand je dis cathotradi. Hein, mais le problème, c'est que la voix, quelquefois, peut faire croire que j'y crois. Donc, en fait, je suis tombé en fait, sur un ouvrage en 5 volumes. Et sur Dark Vador ? Non, pas du tout. C'est un ouvrage de fin 19e, début 20e siècle. J'ai réussi à voir l'intégralité du document et il n'a jamais été traité en français. Jamais. Et c'est l'élément clé qui me manquait. Et j'ai lu 150 pages, j'en ai 2000. D'accord. Ben bon courage à toi, Pierre. Merci. Et on lira ce futur bouquin avec beaucoup d'intérêt. Dans plusieurs années. Xavier, merci beaucoup. Merci, Vincent. On se retrouve pour une prochaine émission. Chers auditeurs, nous allons nous quitter en musique sur les notes de Philippe Guep. Son album Le Retour du Roi est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter Gamin. Bonne écoute à tous et à très bientôt. Gamin, prends soin des fleurs. Gamin, prends Prends soin des cœurs, prends soin des souvenirs, prends soin de tes aïeux, sois toujours amoureux. Gamin, prends soin des filles, leur bouquet de jonquilles, cueilli au petit jour, au parfum de l'amour. Tu m'as laissé seul et seul et sans les munitions, tout seul pour de bon et de la route à faire, de la route à faire, loin de toi. Gamin, prends soin des cœurs, prends soin du devenir, prends soin de l'avenir, dessine-le en bleu. Je me souviens des jours sous le grand ciel bleu, à l'abri de la poussière et le feu. Oh, qu'on était heureux, Dieu, qu'on était heureux, tous les deux. Mais tu m'as laissé seul et seul et sans les munitions, tout seul pour de bon. Et de la route à faire, de la route à faire, de la route à faire.